Mon fils dans tes livres d'images, on voit comment se font les enfants. Moi pour le savoir à ton âge, je le demandais à mes parents. Mon père alors devenait poète pour mieux éluder la question. Ma mère se creusait moins la tête, elle devenait toute rouge d'émotion. D'autres fils avaient pour réponse deux claques pour apprendre à se taire et pour mieux marquer la semonce. Ils étaient même privés de dessert quand les filles naissaient dans les roses. Quand j'avais ton âge à peu près, on parlait bien moins de ces choses. Mais quel cinéma on se faisait dans les cours de récréation. Chacun dessinait sa version, car nous on apprenait l'amour en dehors des heures de cours. Quand les filles naissaient dans les roses, quand j'avais ton âge à peu près, on laissait sur toutes ces choses planer le charme des secrets. Aujourd'hui, y a plus de mystère autour des choses de la vie. Entre une leçon de grammaire et un cours de géographie, on vous apprend ce qu'il faut faire quand on veut avoir des enfants. Et pendant qu'on y est, la manière de ne pas en avoir. Et pourtant, moi je serais curieux qu'on m'explique ce qu'une fille et un garçon quand ils passent aux travaux pratiques retiennent de toutes ces leçons. Quand les filles naissaient dans les roses, quand j'avais ton âge à peu près, on parlait bien moins de ces choses. On ne peut pas dire que ça nous manquait. Bien sûr, on se posait des questions, ça piquait l'imagination, ça mettait du rêve dans les yeux et de l'inconnu dans nos jeux. Quand les filles naissaient dans les roses, quand j'avais ton âge, on savait que l'amour fait partie des choses qu'on n'apprend pas, mais que l'on fait.